Et quand vous comparez l'agriculture d'hier et celle d'aujourd'hui, vous dites quoi? C'est plus la même en fait, c'est. Je sais. Est-ce qu'elle est mieux aujourd'hui? Est-ce que l'évolution a entraîné qu'on a besoin d'autres qualités que celles qu'il y avait avant? Ben, je pense, dans le temps, dans une famille, quand il y avait plusieurs enfants, celui qui l'école n'intéressait pas, on disait toujours, si on le laisse, on garde à le ferme. Ouais. Maintenant, c'est le contraire. Ouais. Maintenant, c'est le contraire. Ouais, c'est. Ouais, il faut être beaucoup plus capable, disons. Maintenant. Oui, ah, oui. Ouais. Ouais. Et puis, il faut aimer. Faut aimer.